Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES plus loin sage. La véritable sagesse n'est pas une assurance tout risque. Peut-être est-elle une espèce d'ouvre-boîte de la connaissance. Ainsi, elle se différencierait de la vérité, de l'erreur ou de l'ignorance. C'est un espace de recherche joyeux et libre que je vous invite à vivre, un savoir-vivre et pourquoi pas un amour de la vie. Message de vie, donné à comprendre. Aujourd'hui, tout le monde a des problèmes avec le temps. Que ce soit l'impression de ne jamais avoir assez de temps, de se débrouiller pour toujours faire les choses importantes au dernier moment, ou encore de vivre sous la pression des horaires à respecter, ou bien les conflits entre temps de travail et temps de loisirs. La gestion du temps est un problème crucial de notre époque. On parle même d'accélération du temps ou de course contre la montre pour sauver notre planète. Changement technologique, changement de notre environnement, changement climatique, tout change au plus vite. Il reste peut-être encore des hommes dans des coins très reculés de notre Terre qui ne connaissent ni le temps de la montre, ni ses problèmes de gestion du temps. Comme ils le disent si bien en Afrique, vous, les Occidentaux, vous avez la montre, nous, nous avons le temps. Avec nous aujourd'hui dans Le Voyage intérieur, trois philosophes et pas des moindres. Bertrand Vergely, Marc Lachaiseret et Marc Alévy, aujourd'hui, pour nous parler du temps. Pourquoi le temps s'est-il imposé de toute chose? Peut-être que nous, humains, nous ne sommes pas éternels. C'est pourquoi nous accélérons tout en un minimum de temps. On dit bien le temps, c'est de l'argent. L'argent est-il devenu le nouveau veau d'or pour l'éternité? Qu'est-ce que c'est que le temps? Est-ce que le temps, c'est quelque chose qui passe? Ou est-ce que le temps, c'est quelque chose qui s'arrête? Moi, ce qui m'intéresse dans Bertrand Vergely, la question du temps, c'est que quelque part, c'est en prenant le temps et donc en s'arrêtant que tout d'un coup, on voit le temps se dévoiler. Je crois qu'il y a quelque chose dans le temps qui est lié à l'immobilité, plus qu'à la mobilité. C'est ça qui m'intéresse, même si je pense qu'à un moment, la fugacité du temps, sa volatilité est quelque chose aussi qui nous interpelle. Marc Lachaiseret. Il est éternellement vrai que je vis, que j'aurais vécu, mais en même temps, cette éternité de mon existence, c'est-à-dire cette existence qui est la mienne, qui est atemporelle, je la parcours selon un mode temporel. Et ce mode temporel de parcours de mon existence, c'est ça que j'appelle le temps. Et c'est très commode. Et le temps de la physique, comme l'a dit Newton, c'est la supposition, il est né de la supposition que tous ces temps personnels de nous tous, les hommes, sont le reflet d'une sorte de temps, de ce qu'il a appelé donc le temps universel, qui serait une réalité physique. Et ensuite, ce que nous a appris la physique et l'observation de la nature, c'est qu'il n'en est pas ainsi. Et ensuite, il y a eu les théories einsteiniennes, les théories de la relativité, qui ont pris en compte cette disparition du temps universel ou du temps absolu, c'est-à-dire le fait que chacun de nous vit quelque chose de différent qui est son temps propre, qui n'est pas la même chose que le temps de l'autre. Et ce qu'on appelle les théories de la relativité, je pense, c'est essentiellement cela. Et finalement, ce que disent aussi ces théories de la relativité, c'est que notre vrai mode d'existence, c'est précisément le mode de l'éternité, c'est-à-dire que ce que je suis dans la réalité de mon existence, ça n'est pas moi à un instant, mais c'est moi dans toute la continuité de mon existence. Ce qu'on appelle en relativité une ligne d'univers. Donc je suis une ligne d'univers, chacun de nous est une ligne d'univers. Et comme ces lignes d'univers sont proches dans l'espace-temps, mais finalement, on arrive à communiquer et on arrive à se mettre d'accord sur ce fameux temps universel qui nous permet d'être tous là à 10h30. Presque à 10h30. Message de vie, donné à comprendre. Marc Alévi. Moi, je voudrais bien peut-être aller vers un autre chemin. C'est la relation qu'il y a entre le temps et l'activité. Moi, je crois que le ressenti du temps ou le temps propre de chacun, non pas mesuré avec des horloges, mais mesuré avec sa conscience, est terriblement lié au contenu de ce qu'on fait. C'est que, comme c'est Einstein qui disait ça, hein, qu'un temps passé chez le dentiste et un temps passé avec son amoureuse, c'est pas du tout la même longueur de temps, la même sentiment de temps, la même conscience du temps. Moi, je crois que c'est beaucoup plus général que ça. Moi, je crois vraiment que la mesure du temps, à tout le moins, est liée à l'activité de ce qui se passe là où on mesure. Et donc, il y a quelque chose là qui me paraît intéressant, c'est d'inverser peut-être l'idée, c'est que le temps est un produit et non pas une condition. C'est pas parce qu'il y a du temps qu'il y a quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose que ce quelque chose engendre du temps pour s'y déployer. Oui. Mais ça revient un peu à ce que je disais, parce que ce qu'on dit en relativité, c'est que chacun de nous a son temps propre, et effectivement, le cran plus loin, c'est chacun de nous engendre son temps propre. Voilà, exactement. Voilà. Mais... je voudrais rajouter une chose. Il y a des années de cela, un philosophe qui s'appelle Grimaldi avait écrit un livre qui s'appelle « Le désir et le temps ». Et je crois qu'on voit très bien ici le problème posé par nos deux amis Marc, c'est la relation entre le désir et le temps, c'est-à-dire entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, le temps, on est dedans, mais en même temps, il est en nous. Et qu'est-ce qui est créateur du temps? C'est notre désir. C'est pour ça que quand Marc dit « chacun a un temps propre », c'est vrai. Chacun a un désir propre. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fonction de nos désirs, eh bien, le temps se dilate ou il se contracte. Il est évident, si on veut faire beaucoup de choses en très peu de temps, tout d'un coup, on a le sentiment qu'on manque de temps. Et au fond, ceux qui sont capables d'apaiser leurs désirs sont en même temps capables d'apaiser le temps. Alors, j'étais en train de rigoler parce que mon complice Marc vient de m'en sortir une bonne en disant qu'il y a des temps propres et puis comme chacun a ses désirs et ce temps, mais il y a des désirs plus ou moins propres aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Message de vie, donné à comprendre. Écoutez le voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES plus loin sage. Aujourd'hui, trois invités, et pas des moindres. Les trois philosophes sont Marc Alévi, Marc Lachaiseret et Bertrand Vergelis sur le thème « Qu'est-ce que le temps ?». Alors l'idée m'est venue de l'écrivain Patrice Vandersel, quelque part, dans un endroit en France, sur les montagnes. Il me dit ceci, « Si tu veux rencontrer le meilleur philosophe, réunis-les à trois en un lieu. Tu verras que chacun voudra prendre part au jeu et échanger le maximum de recettes en un minimum de temps. » Et justement, aujourd'hui le thème, c'est le temps. Et il y a quelqu'un que j'ai connu dans mes relations qui était quelqu'un d'extrêmement snob. Et il voulait aller à trois soirées en même temps. Et sa vie était devenue un enfer parce qu'il prenait l'apéritif chez l'un, l'entrée chez l'autre, le plat de résistance chez un troisième, et il n'avait jamais le temps. Et là, on voit tout d'un coup comment on peut créer le temps, on peut créer l'enfer du temps, si on veut faire beaucoup de choses en très peu de temps. Je crois que c'est Paul Morand qui s'appelle l'homme pressé. C'est ça. Et ça se termine très mal, effectivement. Mais oui, pour moi, ce n'est pas tellement la problématique du temps, c'est comment on gère ses activités dans le temps qui, de toute façon, lui, ne change pas. Moi, c'est vrai que tout le monde dit « le temps s'accélère ». Bon, moi, ça me choque beaucoup, parce que le temps est toujours le même. Et en fait, quand on pense que, par exemple, le temps va plus vite, il me semble, c'est simplement que dans un laps de temps donné, on a plus ou moins de pensées différentes, par exemple. Et une pensée, bah, y a des moments où une pensée, ça dure une seconde, d'autres où ça dure trois secondes. Et quand on dit le temps s'accélère, finalement, c'est nos pensées qui vont plus lentement ou plus rapidement. Désir, ouais. Qui se bousculent. Hein. Oui, une pensée, mais un désir, c'est une pensée. Je pense. Moi, la notion de temps est une notion que je mets un peu de côté parce qu'elle est quasiment indéfinissable. Par contre, je me sens tout à fait bien dans des notions de mesure du temps, dans la notion de conscience du temps. Mesure des durées, peut-être. Plutôt que des durées, des durées, ouais. J'entends bien, des ouais. durées. Mesure des durées. Et, d'accord. Et là, il y a des choses qui sont passionnantes à faire. C'est toi, d'ailleurs, hier, qui m'avait lancé sur une petite réflexion là, en disant, imaginons que tu partes en randonnée et que la seule horloge dont tu disposes, ce soit les battements de ton cœur. Et tu comptes le nombre de battements de cœur que tu as, tu dis, voilà, j'ai marché 48 000 battements de cœur. Mais le problème est que le battement de cœur 1 et le 2 et le 3 et le 4, ils n'ont pas la même durée, vu que tu marches, ton cœur bat de plus en plus vite. Donc, on voit là très bien. On ne sait pas, parce que tu n'as rien d'autre à quoi les comparer. Voilà, on ne le sait pas. Et on a donc là bien la relativité du temps qui s'installe. Et ça, c'est très intéressant de voir que c'est un problème d'horloge. C'est pour ça que moi, je suis très attentif à la notion de mesure des durées, pour reprendre le mot, et à la définition des horloges. Et telle horloge, à telle vitesse, n'est pas une horloge, ne mesure pas la durée de la même manière qu'une horloge à une autre vitesse. Ça, c'est la relativité. Ça me rappelle Galilée, parce que Galilée mesurait les oscillations du pendule, enfin, pareil, c'est une histoire qu'on raconte, dans la cathédrale de Sienne, et il les mesurait en comptant le nombre de battements de son pouls. Et en fait, il a changé finalement, il a à la fin mesuré les battements de son pouls en utilisant les battements comme horloge, et il a eu raison, parce que les battements sont plus réguliers, alors que les battements de son pouls changent. Mais aujourd'hui, avec les temps propres différents, on s'aperçoit que même dans une pièce comme celle-ci, si on met une horloge en bas et une horloge en haut, à condition que ces horloges soient très précises, il est absolument impossible de les synchroniser parce qu'elles ne battent pas le même temps. Il y a une horloge qui bat le temps propre d'en bas, une autre le temps propre d'en haut. Alors à la précision de nos montres, on s'en fiche, mais cette expérience a été faite et les horloges se désynchronisent et sont impossibles à synchroniser, oui. Tout simplement parce que ça n'est pas le même temps qui s'écoule en haut de cette pièce et en bas de cette pièce. Message de vie, une émission produite par Richard Federman. Marc Alévy, Marc Lachaiseret et Bertrand Vergelis dans Message de vie. Je regardais la montre parce qu'il y a un temps aussi à respecter par rapport à un départ en train, justement. Et tout le monde a une montre. D'ailleurs, vous avez tous... Non, tu n'as pas de montre. Ça va, on est bien. Il n'y a pas de problème. J'ai une notion de temps dans la tête. Est-ce que le temps, ce ne sont pas les Occidentaux qui l'ont essayé de le structurer? Parce que je voyage en Afrique et là-bas, ils disent, vous avez la montre, nous, on a le temps. Est-ce que les hommes du désert ne calculent pas le temps? Enfin, est-ce que ce n'est pas nous, en Europe ou en Occident, qu'on a essayé de structurer? Est-ce qu'on n'a pas voulu, nous, considérer le temps comme une ressource? Et non pas comme un don, et comme c'est une ressource et qu'on a l'impression qu'elle est rare vu que la vie est courte, peut-être bien que là il y a une espèce de course perpétuelle contre la montre organisée en Occident de manière à optimiser la consommation du temps ou des durées, c'est très juste, c'est plutôt des durées. Est-ce que ça c'est pas quelque chose qui est typiquement occidental, parce que je crois que c'est vrai pour toutes les ressources, on essaie de toujours optimiser au maximum l'utilisation de toutes les ressources et on a considéré le temps comme une ressources, d'où cette espèce de course contre la montre effrénée. Je crois que on est au délire là, hein, dans notre époque, dans cette course contre la montre. C'est marrant cette question parce que dans le temps j'avais une montre et la dernière montre que j'ai eue, j'étais en Mauritanie et je l'ai échangée contre un masque et depuis j'ai plus jamais mis une montre. Et tu as toujours le masque ? J'ai le masque, il est chez moi. Voilà, donc. Et alors comment tu fais ? Pour le temps ? Oui. Ah, mais j'ai aucun problème, je peux te dire à n'importe quel moment quelle heure il est. Et comment tu sais? Je sais pas, je le sais. Tu le sais. Ouais. D'accord. Non, moi il y a quelque chose qui me frappe, c'est que l'homme occidental est un conquérant. Et c'est quelque chose que j'ai eu comme sentiment en allant en Inde. Tout d'un coup, j'ai découvert en Inde un autre temps. Et j'avais vraiment le sentiment que les Indiens étaient proches d'un temps cyclique. Un petit peu comme les gens qui travaillent avec la terre. Il y a un moment le sens des lenteurs. Il y a surtout le sens qu'il faut faire avec. Voilà. J'ai le sentiment que nous, l'homme occidental, c'est un homme tout seul dans un univers qu'il doit conquérir et dans lequel il n'est plus en harmonie avec ce qui se passe autour de lui. Donc, qu'est-ce qui crée un sentiment, qu'est-ce qui va créer la sensation du temps? C'est cette idée, à mon avis, anti-philosophique, qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut se dépêcher d'en profiter. Tandis qu'à un moment, il y a des temporalités autres, en Afrique ou en Inde, où on ne pense pas comme cela. Tant que on est lié un peu, les dieux encore font encore partie de la civilisation, il y a encore une impression d'harmonie avec le cosmos, et donc on est dans une temporalité différente. Nous sommes très dans le faire, dans la conquête, dans la domination. C'est d'ailleurs un symptôme de notre époque de voir apparaître des réactions fortes contre ça, justement, en Europe, où on voit les mouvements slow se mettre en place, où on fait l'éloge de la lenteur, livre remarquable, toute cette idée de dire « et si on arrêtait de courir, pour aller où ?» Si on s'arrêtait un peu et on profitait un peu du présent, de la réalité, de la présence au présent, etc. C'est un changement civilisationnel qui est important, mais en cours chez nous aujourd'hui. Éric Julien raconte, c'est ce garçon qui essaie de sauver les Indiens Kogi qui se trouvent, je crois, en Colombie. Et à un moment, il y avait un Indien Kogi qui était arrivé à Paris, qui regardait à un moment les voitures, les tunnels, et il disait, là, ça sert à quoi ce tunnel pour aller sur la place de la Concorde? Et il disait, c'est pour aller plus vite, pour gagner du temps. Et il avait posé cette question, mais pour aller où? Voilà, pour aller où? on est bien dans la finalité. Voilà. Ouais. Et là, je crois qu'on a vraiment dans notre monde occidental aujourd'hui, on est tellement obsédé par les modalités des choses qu'il faut optimiser qu'on en oublie la finalité des choses. Mm-hmm. On doit faire les choses le plus vite possible, le plus fort possible, le plus performant possible. Et quand on pose la question, oui, mais pourquoi faire? Pourquoi, en deux mots, la réponse, c'est un grand silence. Parce qu'il faut. Bien sûr, parce qu'il faut. Mais non, il ne faut pas. Non. Tu te souviens la devise de Coubertin, Sitius, Altius, Fortius, plus vite, plus fort, plus haut. Donc voilà, là on est dans un modèle terriblement occidental. Et effectivement, ça crée un temps qui est un temps extrêmement morbide et assez destructeur. Message de vie, une émission produite par Richard Federman. Vous avez peur du temps qui passe? Moi non. Alors là non. Mon problème avec la mort, s'il a jamais existé, il est résolu depuis alors très très très très très longtemps. Là tu me dis que tu meurs dans 5 minutes, je dis ok, pas de souci. Je dis par là que je suis tellement dans mon présent et tellement dans la joie de vivre du présent que je fais pas ce genre de projection. Ça me concerne pas. Et puis il y a un charme du temps qui passe. Ah oui. C'est ça, il y a le charme des choses qui s'arrêtent. Maintenant qu'il y a 10 ans. il y a le charme du temps qui passe, et c'est agréable, c'est le côté fugitif à la fois. Il y a le poème de Lamartine, « Autant suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les plus beaux de nos jours. » Donc à un moment, on aimerait que les choses s'arrêtent, mais à un moment, c'est merveilleux de voir des choses se succéder. Parce que c'est ça aussi la question du temps. Kant dit « L'espace, c'est la coexistence. » Le temps, c'est la succession. Et la succession, il y a des choses qui arrivent les unes après les autres, et souvent, parfois sans lien avec les unes avec les autres, mais c'est pas mal de vivre des choses qui se succèdent. Et le fait d'être chercheur ou philosophe, c'est prendre du bon temps, finalement. On a le temps de penser, on a le temps de chercher. C'est pas ça, finalement, d'avoir un... La pensée, on oublie quelque part, à un moment, le reste du monde. Et c'est ce moment extraordinaire où, quand on est vraiment complètement pris à l'intérieur de ce que l'on fait, à un moment, il y a une disparition du temps. Message de vie, une émission produite par Richard Federman. Thank you. Vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie, MES plus loin sage. Aujourd'hui, trois invités, et pas des moindres. Les trois philosophes sont Marc Alévi, Marc Lachaiseret et Bertrand Vergelis sur le thème « Qu'est-ce que le temps ?» Mais si demain vous deviez mourir, est-ce que vous avez l'impression d'avoir réalisé des choses qui vous ont rempli ? Ah, moi oui. Moi oui, j'ai l'impression. C'est, ma mère avait une expression que je trouvais extraordinaire. Elle n'est pas belle d'ailleurs. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, ça m'a fort déçu. Ma mère disait, il ne faut jamais confondre réussir dans la vie et réussir sa vie. Et ça m'a toujours tellement marqué cette idée-là que je me suis toujours appliqué à essayer de réussir ma vie. Ça ne veut pas dire faire des choses extraordinaires, non. C'est simplement aller au bout de moi-même. Et j'essaie de le faire, et il y a un prix à payer. Marc Alévi. Je dis par là que tu disais tout à l'heure, le chercheur, c'est quand même bizarre comme chemin. Oui, mais c'est un choix de vie, c'est un art de vivre, et il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est qu'on fonctionne dans des critères de réussite de sa vie qui n'ont rien à voir, très peu à voir, avec les critères de réussite de leur vie, des hommes de la rue, par exemple, qui construisent leur vie tout autrement. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que Marc va en dire, mais qu'un chercheur, c'est quelqu'un qui affirme d'abord une liberté par rapport à son temps de vie à lui et qui dit « je veux faire quelque chose de ma vie ». Alors, ça aboutira à quoi ? J'en sais rien et je m'en fous. Je veux dire que le but du jeu, ce n'est pas d'avoir son nom dans le dictionnaire. Mais le plaisir, c'est de trouver quelque chose, c'est de découvrir un autre espace-temps, un autre... Tout le temps, quelque chose. Alors, c'est pour, en tout cas pour nous. On découvre des choses tout le temps. Parce qu'on regarde, parce qu'on aime regarder, parce qu'on est émerveillé par la réalité de la nature. On fait que ça nous émerveiller. C'est pas mal, c'est comme vie. Bertrand Vergelis. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, d'avoir été tellement comblé par la vie que, oui, je pourrais mourir. Plusieurs fois, je m'est arrivé d'être tellement heureux de me dire, ou d'avoir réalisé des choses, et de me dire, ok, ben, si je devais mourir, j'accepte. Voilà, donc, effectivement, mon problème n'est pas de mourir, c'est plutôt de remercier la vie de m'avoir donné tout ce qu'elle m'a donné. Donc le fait, par exemple, d'être à fond romeux, je me dis, voilà, ça fait partie des belles choses de la vie. Eh bien, au fond, on pourrait partir. Pas de problème pour mourir, mais je ferai tout pour continuer à vivre. c'est pas contradictoire, je crois. Voilà, chaque seconde, j'en profite jusqu'au bout. Belle parole de Spinoza disant... Un homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort et sa méditation est une méditation sur la vie et non pas sur la mort. Pourquoi ? Parce qu'un homme, l'important c'est d'être dans la vie. Et au fond, on ne pense pas à la mort, on pense, penser c'est penser à la vie. Et c'est être dans la vie. Et l'homme libre, c'est-à-dire l'homme qui est libéré de l'homme. L'homme qui n'est pas libéré de l'homme, eh ben, il s'angoisse sur son individualité et son moi. Et finalement, au fond, quand on est dans la vie, la mort n'est pas un problème. Mais quand on se regarde à un moment en tant qu'individu, là, la mort devient un problème. C'est-à-dire, la mort, ce n'est pas le problème, c'est le problème du moi. Voilà, c'est le vrai problème. Et si on est capable de dépasser son moi, à ce moment-là, eh bien, le problème de la mort est résolu. Et du temps, en même temps. Et du temps. Oui, c'est vrai, parce que c'est ce que disait à un moment Marc, c'est une idée qui me touche beaucoup quand il disait « nous sommes éternels ». C'est vrai, Jean Kelevitch disait « Dieu peut tout faire, sauf une chose, faire que ce qui a été n'ait point été ». Donc il y a quelque chose en nous qui est inscrit pour l'éternité dans le livre de la vie, du fait même que nous existons. Nous appartenons pour l'éternité à la vie et à l'existence, et ça, je trouve ça assez vertigineux. Je trouve au fond une plus belle pensée, c'est de penser qu'il y a en nous quelque chose qui est éternel. Marc tout à l'heure parlait de ligne de vie, j'associe ce que tu viens de dire. Moi, j'ai un sentiment extrêmement profond d'appartenir à quelque chose qui est un processus, pour revenir au temps. Oui. C'est le processus universel, quelque chose qui est en train de se construire et où je suis une partie prenante et que ça remplit de joie. On est en train de faire quelque chose qui s'appelle l'univers. C'est fabuleux. Et là, il y a quelque chose que je crois qui est une source d'émerveillement perpétuel. Je dis, je suis là-dedans, moi. C'est génial. C'est dingue. Et ça c'est une belle pensée que j'ai aussi. Participer à une sorte d'œuvre commune qui est en train de se faire, qui est l'œuvre de l'univers, de la vie. Ça, je trouve ça. Comme l'arbre, comme la coccinelle, comme tout ce qui est le caillou, le torrent, tout ça, ça fait partie d'un processus global, d'une grosse ligne de vie globale, et qui est une manière de regarder les choses, qui, à mon avis, en tout cas, interdit toute forme de morosité, interdit toute forme de désespoir. C'est pas possible d'être triste quand on est dans un univers comme celui-là. C'est pas possible. Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Écoutez le voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Aujourd'hui, le temps. Le temps dont la somme se mesure en rapport avec le passé et l'avenir. Si le passé n'a rien de réel puisqu'il n'est plus, et si l'avenir n'est pas encore, il nous reste le temps de la nature et de l'être. Messages de vie. Un site richardfederman.com. Moi, je crois qu'on doit, réfléchir sérieusement dans notre monde ici à retrouver le temps de la nature, le rythme de réel de la nature. On est complètement dénaturé. L'Occident a complètement dénaturé l'homme. On n'est plus dans le temps de la nature, on n'est plus dans les cycles de la nature, on n'est plus dans ce mouvement de la vie au sens très large du terme, avec un V majuscule. On n'est plus dedans. On s'est créé une espèce de bulle isolante et on se complaît dans un monde qui est dénaturé, qui est plus en connexion avec le réel, qui est dans l'artificiel, l'artefact. Et ça, c'est quelque chose que je vis mal pour l'instant, parce que je vois tous ces gens malheureux. Qui sont complètement empêtrés dans un monde et dans une vie artificielle, qui est complètement à côté de la réalité, qui n'a plus aucun contact avec le monde réel, avec le monde de la vie, avec le monde de la nature. Et je me dis, il y a une relation de cause à effet évidente. Ils sont tellement dénaturés qu'ils ne peuvent plus être heureux, forcément, vu que la joie, c'est la joie de participer à. Et donc là, je suis très très malheureux pour mes contemporains, pour beaucoup de mes contemporains, qui sont... Je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi. Sûrement. Qu'on je suis dise toujours d'accord avec toi, tu sais bien. On est souvent d'accord. Mais moi, j'ai envie de dire, on a toujours le temps. Arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps. On a toujours le temps. Vous voyez, j'ai fait des conférences dans des hôpitaux et les gens me disaient, mais on n'a pas de temps à consacrer aux malades. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de temps, mais j'ai dit, vous savez, vous n'avez pas besoin de lui consacrer énormément de temps. Il suffit qu'à un moment, vous ayez un vrai regard, que vous soyez vraiment présent. Tout est dit. Et en très peu de temps, on peut donner beaucoup de choses. Et je me remarquais en général que plus les gens font des choses, plus ils ont le temps pour les faire. Très très vrai. C'est quelque chose que j'ai mesuré, c'est que les gens qui sont toujours débordés font peu de choses. Et que les types qui font vraiment beaucoup de choses, quand tu leur téléphones, ils ne sont jamais débordés. Ça, c'est vraiment tout à fait intéressant. C'est quelque chose qui est un peu mystérieux pour moi, mais qui est vécu tout le temps. C'est étonnant. On n'appelle pas ça gaspiller son temps, quelque part. Gaspiller son temps, c'est une façon d'apprécier le temps. Ah oui, bien sûr. J'aime pas le mot gaspillage, mais prendre le temps. Tu sais, une petite histoire amusante. J'ai été salarié, mais pas très longtemps. Et un jour, il y a mon nouveau patron là, qui vient me demander de préparer une conférence pour lui. Mais c'est le jour d'arriver dans un monde que je connais pas, complètement bouffé par l'ensemble de tout ce qui se passe. Et le jour dit, à l'heure dite où je devais lui rendre ce projet de conférence, il arrive dans mon bureau et je me rends compte que j'ai complètement oublié de faire ce travail. Et j'ai dit à mon patron, je dis, écoute, j'ai vraiment pas eu le temps. Et il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, ne dis jamais ça. Tu n'as pas pris le temps de faire ce que je t'ai demandé. Et comme c'est moi ton patron, ça va nous poser des problèmes. Mais entre avoir le temps et prendre le temps, c'est très différent. Moi, je veux bien prendre mon temps. Il faut prendre le temps, parce que c'est une décision, c'est un acte libre de prendre le temps de faire ceci plutôt que cela, de faire l'important et pas l'urgent. Ça aussi, c'est une notion importante, je crois. Ah, mais quand on est joueur de Go, il y a un grand précepte qui est qu'il faut jouer les coups urgents avant les coups importants. C'est vrai ? Oui, c'est une grande leçon de stratégie. Et c'est vrai, parce que après, si tu ne le fais pas, le coup qui était seulement urgent, par son manque, devient un coup important. Ah oui. Et tu ne l'as pas fait, finalement. Bon, mais je suis d'accord. Moi, je pense que la seule règle de vie, finalement, c'est de ne jamais gaspiller son temps, pourrait-on dire. Mais qu'est-ce que c'est gaspiller son temps ? Moi, j'ai toujours le temps, c'est-à-dire je suis toujours... Je me suis donné comme règle d'être toujours disponible pour faire quelque chose que je n'ai pas prévu, etc. Donc, quand les gens viennent me voir, voilà, j'ai du temps, je parle avec eux. Mais j'adore ça. Et pour moi, c'est le moyen de profiter vraiment de chaque instant, quoi. Alors, il y a des moments où j'ai des rendez-vous et j'essaye de les honorer. Mais ça fait partie de ce que j'ai décidé. Message de vie, une émission produite par Richard Federman. écoutez Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de Messages de Vie, MES Plus Loin Sage, et nous allons vers la fin de cet entretien avec nos trois philosophes, Marc Alévy, Marc Lachaiseret et Bertrand Vergelis, sur le thème du temps. J'ai remarqué que vous étiez toujours d'accord. Vous êtes toujours d'accord ? D'accord. Mais on va essayer, on va se mettre d'accord sur un désaccord. Il y a une chose qui me paraît importante, c'est pas le temps qu'on gaspille, c'est son énergie. Et en général, on gaspille son temps quand on fait des choses stupides et bêtes. Donc c'est ça, gaspille pas le temps. Il y a tellement de choses intéressantes, passionnantes à vivre, que le seul moment où à un moment on a l'impression de gaspiller son temps, c'est qu'on gaspille son énergie à dire des bêtises. Et ça, c'est donc. Moi, je dis souvent, c'est pas de la. On n'est jamais mort de la mort. Il n'y a qu'une seule chose. Le gros problème du monde, c'est la bêtise. Voilà. L'invraisemblable bêtise. Voilà. Je crois que là, je suis vraiment désaccord. Ce que j'aime le plus, c'est dire des bêtises. La preuve, d'ailleurs. C'est pas des bêtises. Voilà. Mais parce qu'elles ont un charme fou. C'est comme tout est double. Hein. Là, on peut trouver des merveilleuses bêtises. À propos de bêtises, une jolie histoire de il paraîtrait, je ne sais pas si c'est authentique, mais il paraîtrait qu'un jour, Einstein se trouve dans une classe avec des gamins de 14-15 ans et on lui pose des tas de questions. Et notamment un gamin qui vient près de lui et qui lui dit « Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est l'infini ?» Parce que ça, je ne comprends pas ce qu'est l'infini. Et Einstein lui répond « Écoute, je vais t'expliquer ça par des exemples. » On peut dire que l'univers est infini, on peut dire que la bêtise humaine est infinie. Et puis Satan, il dit, et pour l'univers, je ne suis pas sûr. J'avais mis cette citation en exergue dans mes derniers articles. C'est vrai ? Il y a deux choses infinies au monde, l'univers et la bêtise humaine, et encore, pour le premier, je ne suis pas sûr. Voilà, tu vois le texte exact. Bien, dire, la bêtise humaine vous donne une certaine idée de l'infini. Message de vie. Donner à comprendre. C'était trois philosophes réunis en un lieu sur le thème du temps. Marc Alévy, chercheur pratique, Marc Lachaiseret, astrophysicien et cosmologue du CNRS, et pour finir, Bertrand Vergelis, essayiste français, normalien agrégé de philosophie dans Le Voyage Intérieur. La série d'émissions de Messages de Vie, MES Plus Loin Sage. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre aventure humaine. Portez-vous bien. Ciao.